Il me semble que le psaume que nous venons de chanter tout à l'heure, ce psaume 145, décrit bien cette première des béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Et dans le psaume, nous avons chanté ces actes de Dieu, cette action de Dieu vis-à-vis des pauvres. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés. Il donne le pain, il délie les enchaînés, il ouvre les yeux des aveugles, redresse les accablés, il protège l'étranger, soutient la veuve et l'orphelin. Et ça finit ainsi, le Seigneur est ton Dieu pour toujours. Quelle est cette expérience de la pauvreté? Quelle est cette expérience de la pauvreté? Le pauvre, eh bien oui, il finit par faire cette déclaration finale du psaume, « Le Seigneur est mon Dieu pour toujours ». Le pauvre est celui qui a vu l'œuvre de Dieu s'accomplir dans sa vie et qui a pu la voir parce qu'il n'avait d'autre abri que le nom du Seigneur, comme nous l'avons entendu dans la lecture de Sophonie. Le pauvre n'a d'autre abri que le nom du Seigneur. L'expérience de sa misère, de sa pauvreté, est plus qu'un discours, elle est une expérience. Elle est un vécu, elle est une histoire qui se raconte. Et Sophonie nous raconte dans la première lecture une histoire, l'histoire du peuple d'Israël et comment ce peuple, le peuple élu, le peuple choisi de Dieu, comment ce peuple a fait l'expérience de sa pauvreté. Dans la tradition juive de l'Ancien Testament, le pauvre, c'est le paresseux. Celui qui ne travaille pas, il ne gagne pas sa vie, alors il est pauvre. Mais ça, c'était avant cette expérience du temps de Sophonie, où le peuple a découvert quelque chose de nouveau. Peut-être que nous-mêmes, on a des fois cette idée, les pauvres, s'ils travaillaient un peu plus, ils seraient moins pauvres. Ben, Sophonie, avec le peuple d'Israël, nous invite à faire nous aussi une expérience. L'expérience de Sophonie et du peuple en son temps, bien, c'est un moment de l'histoire du peuple d'Israël où Israël est tout petit, entre deux grands géants que sont le royaume d'Assyrie, dont la capitale est à Babylone, avec une puissance armée très grande, et le royaume d'Égypte, plus au sud, avec une aussi grande puissance. Et Israël, avec d'autres petits peuples voisins, est là au milieu de ces deux grands géants. Les tendances, c'est de vouloir négocier avec les grands. C'est de vouloir dire aux grands, mais protège-nous contre l'autre grand, parce qu'on est tout petit, on va se faire écraser. Et vous savez comme moi, c'est que les conquêtes, en ce temps-là, ne se faisaient pas dans la dentelle. Le but de la conquête, c'était d'anéantir le peuple. La fierté d'un peuple, c'était sa suprématie sur les autres. Et donc d'écraser le peuple voisin, si possible qu'il n'en reste rien. Eh bien, la tentation d'Israël va être donc celle-là, de chercher par des alliances l'aide des grands voisins, au risque de se compromettre, de compromettre sa langue, de compromettre sa religion, de compromettre ses coutumes, de compromettre la loi reçue de Dieu. Et là, Sophonie réagit. Oui, vous êtes un petit peuple, petit, pauvre, au milieu de ces géants. Et je te laisserai toujours un petit peuple. Aucun de ces géants ne va te détruire. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit, déclare Sophonie. Ils n'arriveront pas à te détruire. Et ce peuple prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce peuple prendra pour abri le nom du Seigneur. Le peuple d'Israël est en train de faire, déjà par anticipation, parce qu'il n'est même pas encore parti en exil à Babylone, mais ça va lui arriver quelques 100 ans après. Mais il fait déjà l'expérience par anticipation de la pauvreté. Il n'a pas de force, il est sans force, il est anéanti du point de vue de ses forces militaires, il est quasi inexistant. Sauf que il y a cette promesse de Dieu, Je laisserai chez toi, Israël, un peuple pauvre et petit, dont l'abri sera le nom du Seigneur. Quelle promesse et quelle expérience! Le peuple goûte à la pauvreté matérielle. Ils n'ont pas de quoi être aussi forts que leurs voisins. Ils goûtent aussi à cette pauvreté relationnelle. Ils sont comme isolés des autres peuples, mais en même temps choisis par Dieu. Eh bien, c'est dans cette pauvreté matérielle et relationnelle qu'ils vont goûter à ce besoin, à cette nécessité vitale de la présence de Dieu dans leur histoire. Ils ne vont se fier à nul autre qu'à Dieu seul. La leçon que nous tirons de cette histoire, c'est que devient humble celui qui accepte de ne pas être satisfait, devient pauvre celui qui accepte de ne pas être comblé seulement par des besoins matériels ou affectifs. Bref, celui qui accepte d'avoir faim et soif, comme nous l'entendions dans les Béatitudes, ce début du discours de Jésus. Heureux ceux qui ont soif et ceux qui ont faim de la justice, car ils seront rassasiés. L'humble, le pauvre, c'est celui donc qui accepte d'être dans le besoin. Et l'humilité, ce chemin de reconnaissance de ce que nous sommes véritablement, passe par un appauvrissement, une descente. Saint Thomas d'Aquin, lui, parle d'un creusement. C'est notre patron, alors on va faire mémoire un petit peu de ce qu'il nous enseigne. Saint Thomas d'Aquin prend l'image de la maison. Pour construire une maison solide, il faut fonder cette maison. Il faut creuser dans la terre et poser les pierres de fondation. La pierre de fondation, c'est la foi. C'est la confiance en Dieu. C'est le Christ. Si on veut que l'édifice soit bien fondé, c'est sur lui qu'on va le fonder. Mais avant d'arriver là, il y a le creusement. Le creusement, c'est le chemin de l'humilité. Quand on creuse, on enlève le trop-plein, on enlève les sables mouvants, on enlève les terres qui sont pas bien consistantes, jusqu'à arriver, parfois même, sur le roc lui-même. Si nous creusons ici, sur notre colline, sur le plateau, si on creuse un petit peu, au bout de quelques mètres, on va tomber sur le roc. Mais pour ça, il faut creuser. C'est le chemin de l'humilité, de la reconnaissance de notre pauvreté, de notre réelle condition. Creuser, c'est enlever le trop-plein. C'est enlever ce trop-plein. Le trop-plein matériel, peut-être. Ce qui fait que on a encore besoin. Il faut encore avoir besoin. Qu'on n'a pas tout. Donc accepter qu'on n'a pas tout, même matériellement, chez nous, qu'il y a encore de la place pour le désir, même le désir matériel, qu'il y a encore de la place pour ce désir. On peut accepter d'avoir une voiture peut-être pas si grande qu'elle pourrait être grande, et puis pas si moderne qu'elle pourrait l'être, ou même de ne pas avoir de voiture du tout. Certains font ce choix. On peut accepter d'avoir un logement aussi petit qu'il est, avec les voisins qu'il y a et le bruit qu'il y a, et ou même de vivre en colocation ou en copropriété, pour partager, pour dépendre aussi du bien des autres. Accepter de nous départir d'un trop-plein matériel. Ça, c'est la pauvreté matérielle. C'est un des chemins vers l'humilité. Si on continue à creuser, on va aussi enlever le trop-plein. Le trop-plein de moi, le trop-plein de soi. On accepte peut-être d'avoir besoin des autres, de ne pas y arriver tout seul, ou de choisir de ne pas y arriver tout seul, de travailler avec d'autres en équipe, de collaborer. Ou on accepte de s'en remettre aux autres, de se laisser peut-être conseiller, aiguiller, éclairer, ou au moins de choisir de ne pas décider tout seul. Ça, c'est la pauvreté relationnelle. Un autre chemin vers l'humilité. Et on continue à creuser. On creuse et on enlève ce trop-plein affectif. On accepte d'être singulier, unique, une créature comme il n'y en a pas d'autre. Et on accepte ainsi de ne pas utiliser les autres. de ne pas les utiliser pour combler nos besoins affectifs, nos amis, dont on attend d'eux qu'ils nous satisfassent, ou notre mari, des fois, si on est marié, ou notre épouse. Ça, c'est la pauvreté affective. J'accepte d'être ce que je suis avec tous mes besoins que les autres ne pourront pas combler. On continue à creuser. On enlève le trop-plein de tous nos plans, le trop-plein de tous nos projets, nos certitudes sur ce que nous devons être, sur nos plans de carrière, sur nos planifications familiales, sur nos réussites dans nos engagements. Pauvreté de planification. On arrête de tout planifier. On lâche tout ça. Ça me fait penser à saint Paul qui évoquait dans la lecture de la lettre aux Corinthiens. Regardez bien, nous dit saint Paul, parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. C'est ça le paradoxe du choix de Dieu, du choix du pauvre, celui qui est fou pour lui et qui vient compromettre les sages. Les plans de carrière, c'est pour le monde. C'est l'esprit de notre monde. Jésus choisit ce qui s'abandonne, celui qui s'abandonne. Si on continue à creuser, qu'est-ce qui reste ? Généralement, quand on creuse assez profond, on tombe un petit peu dans la boue. On finit par tomber sur des sources, des fois sur la nappe phréatique, l'eau qui est en dessous. Ça, c'est tout boueux, puis des fois, ça sent pas bon. C'est nos blessures, nos péchés, nos pauvretés humaines, psychiques, nos défauts. Bref, tout ce qu'on a essayé de contrôler pour être quelqu'un de bien, bien éduqué, bien poli, bien comme il faut. Puis on gère plus ou moins, seul. On essaye quand même de s'améliorer parce qu'on est chrétien. On va à la messe le dimanche. En fait, même ça, le Seigneur nous demande de le sortir. Il faut creuser ça, il faut lui remettre. Nos pauvretés psychiques, nos pauvretés humaines, ce trop-plein-là, il faut lui remettre aussi. Il faut tout lui remettre. On creuse. Qu'est-ce qui reste ? Rien. Il n'y a plus rien. On est pauvre, il n'y a plus rien. Et nous n'avons d'autre abri que le nom du Seigneur. Ça, c'est l'humilité. Quand il n'y a plus rien, qu'on est au fond du trou, et là, on peut découvrir le roc. Ce roc sur lequel on va pouvoir fonder réellement notre existence. Et saint Paul nous dit dans un autre passage de la lettre aux Corinthiens, « Cette pierre, ce roc, c'est le Christ. » C'est là que notre foi entre en jeu. C'est là que tout peut se reconstruire. En ce dimanche, chers amis, bien, laissons-nous nous réjouir de notre pauvreté, de nos pauvretés, parce qu'on a bien vu, il n'y en a pas qu'une. Il y a plein de couches de pauvreté, tout plein. Puis des fois, on a des couches plus ou moins grandes, différents, dépendant des secteurs dans lesquels on creuse. Certains, ça va être dans le matériel, parce qu'on va être très attaché à des choses. D'autres, ça va être dans le relationnel, parce qu'on ne va pas être capable de vivre sans être entouré de 36 000 personnes. Ben, c'est nous. On est comme ça. Mais c'est comme ça que le Seigneur nous aime. Si nous lui offrons tout ce que nous sommes. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Acceptons d'être pauvres pour n'avoir comme seul abri que le nom du Seigneur. Demandons vraiment cette grâce. C'est jamais acquis, c'est un chemin. On n'est jamais humble, on le devient. Mais avançons sur ce chemin d'appauvrissement, de reconnaissance de nos pauvretés, d'offrande de nos pauvretés. Et nous verrons que le Seigneur nous réjouira de sa présence. Quand il n'y a plus rien, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas plus rien. Le Seigneur est là. Mais vu qu'il n'y a plus rien, là, on le voit. Là, on le goûte. Là, on le sent. Alors oui, Seigneur, viens continuer ton œuvre d'appauvrissement de nos vies pour être plus à toi, pour n'avoir d'autre abri que ton nom et ton nom seul.